Section 35 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 8, deuxième partie. Les Pays-Bas sous les Ducs de Bourgogne par Henri Pirenne. Les dynasties nouvelles. Au XIVe siècle s'éteignent successivement, en ligne masculine, les trois dynasties nationales les plus puissantes des Pays-Bas. Celle de Hainaut-Hollande, tout d'abord, avec Guillaume d'Avesnes, 1345. Bientôt après, celle de Brabant, avec Jean III, 1355. Enfin, celle de Flandre, avec Louis de Mal, 1384. Entraînés par leur participation à la guerre de Cent Ans dans la grande politique européenne, ces princes avaient fait contracter à leurs héritières des mariages avec des représentants des trois maisons souveraines dont l'influence était alors prépondérante sur le continent. Marguerite de Hainaut avait été mariée à l'empereur Louis de Bavière, Jeanne de Brabant à Wenceslas de Luxembourg, frère cadet de l'empereur Charles IV, Marguerite de Flandre au frère du roi de France, Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Ainsi, par une coïncidence remarquable, trois grandes dynasties étrangères se trouvaient, au cours de la deuxième moitié du XIVe siècle, en présence dans les Pays-Bas. Il était évident que chacune d'elles allait tâcher de se débarrasser de ses rivales et de réunir à ses domaines héréditaires l'ensemble des riches provinces des bassins de la Meuse et de l'Escaut. Ce bonheur échut, comme on sait, à la maison de Bourgogne. Les maisons de Bourgogne et de Luxembourg. C'est sur la maison de Luxembourg que celle de Bourgogne a remporté ses premiers succès. Le règne de Jeanne de Brabant et de Wenceslas de Luxembourg ne fut pas heureux. Le comte de Flandre, Louis de Mal, qui avait épousé Marguerite de Brabant, sœur de la duchesse, n'avait pas voulu se contenter des revenus assignés à sa femme dans la succession de Jean III. Après une guerre désastreuse, les princes brabançons s'étaient vus contraints de lui céder Malines et Anvers. L'empereur Charles IV sut habilement se servir des circonstances. Exploitant la haine que Jeanne avait vouée à sa sœur, il réussit à lui faire prendre un engagement qui devait assurer définitivement la position de la maison du Luxembourg dans les Pays-Bas. Le 29 mars 1357, Jeanne promit, en effet, de reconnaître comme héritier de ses duchés de Brabant et de Limbourg, pour le cas où elle mourrait sans enfant, l'empereur ou, à son défaut, le plus proche parent de l'empereur en ligne masculine. Les événements favorisèrent tout d'abord les plans de Charles IV. Devenue veuve en 1383, après 36 ans de mariage, Jeanne n'avait pas eu d'enfant, et le Brabant semblait destiné dès lors à venir s'adjoindre au domaine de la maison de Luxembourg. Il en fut pourtant tout autrement. Attaquée par le duc de Gueldre, la duchesse, ne pouvant compter sur l'appui du fils de Charles IV, l'incapable empereur Wenceslas s'adresse au duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, devenu son neveu par le mariage qu'il vient de contracter avec la fille de Louis de Mal. Philippe n'a garde de manquer une occasion aussi belle d'intervenir en Brabant. Prétextant l'alliance que le duc de Gueldre a conclue avec l'Angleterre, il décide le roi de France à diriger contre lui une expédition. Pour épargner les états de Jeanne, sur la reconnaissance de laquelle il spécule déjà, il fait opérer à l'armée française un pénible et coûteux détour par l'Ardenne et les pays de Clèves et de Juliers. Manifestement, ce n'est pas dans l'intérêt du roi, c'est dans l'intérêt du duc de Bourgogne que 100 000 hommes se sont mis en mouvement. D'ailleurs, on s'en aperçoit bientôt. Si le roi n'a rien gagné à la promenade militaire qu'il vient de faire dans le nord, en revanche, Jeanne, oubliant son traité avec Charles IV, reconnaît comme héritière sa nièce Marguerite de Flandre, femme de Philippe le Hardi. 1399. Ni les protestations du pauvre empereur Wenceslas, ni les menaces de l'ambitieux mais impuissant Sigismond ne purent la faire revenir sur sa résolution. « Vous voulez donc être français ?» s'était écrié Sigismond devant des envoyés de la duchesse. Il y avait longtemps que l'on avait oublié en Brabant la suzeraineté de l'Empire, et Jeanne prétendait disposer de sa terre comme d'un alleu. En 1404, fatiguée de régner, elle abandonne le gouvernement de ses duchés au second fils de Philippe le Hardi, Antoine de Bourgogne, dont le frère, Jean sans peur, vient d'hériter de la Flandre. Du reste, le Brabant et la Flandre ne devaient pas longtemps rester séparés. La ligne cadette de la dynastie bourguignonne s'éteignit assez tôt. Les deux successeurs d'Antoine, ses fils Jean IV et Philippe de Saint-Pol, étant morts sans enfants, leur succession revint en 1430, 16 ans après l'abdication de Jeanne, à Philippe le Bon. Les maisons de Bourgogne et de Bavière. Ce fut également sous le règne de Philippe le Bon que les domaines de la maison de Bavière dans les Pays-Bas vinrent s'adjoindre à ceux de la maison de Bourgogne. En 1418, l'héritière des comtés de Hollande et de Hainaut, la jeune et aventureuse Jacqueline de Bavière, avait épousé le duc Jean IV de Brabant. Au lieu de profiter des avantages qu'il pouvait retirer de cette alliance, Jean IV n'avait fait aucun effort énergique pour reconquérir le comté de Hollande, dont un oncle de sa femme, Jean de Bavière, ex-élu de Liège, s'était emparé à la faveur des guerres civiles qui déchiraient alors ce pays. D'ailleurs, la mésintelligence puis la haine n'avaient pas tardé à régner entre Jean IV, valétudinaire et impuissant, et la duchesse qui était, rapporte Georges Chastelain, cointe beaucoup, très jolie, gaille fort et vigoureuse de corps. Les choses en vinrent enfin au point que Jacqueline, sans attendre l'annulation de son mariage, s'enfuit secrètement de Bruxelles sous la conduite du seigneur d'Escaillot qu'elle avait mis dans la confidence de son estat et de ses féminins secrets, et courut à Londres s'unir à Humphrey de Gloucester, frère du régent d'Angleterre. Un instant, elle put croire que son audace serait couronnée de succès. Jean de Bavière étant mort en 1424, la faction des Cabelles Jaunes, partie des grandes villes, sur laquelle il s'appuyait, avait reconnu le duc de Brabant comme comte de Hollande, en sa qualité d'époux de Jacqueline, tandis que celle des Eux, partie de la noblesse, faisait appel de son côté à Humphrey de Gloucester. Dans ces conjonctures, le chef de la maison de Bourgogne, Philippe le Bon, ne pouvait manquer d'intervenir. Jean IV et Jacqueline n'ayant pas d'enfants, il se considérait comme appelé à la succession de Hainaut et de Hollande, qu'il voit tout à coup sur le point de lui échapper. En 1426, au cœur de l'hiver, il défait complètement une armée anglaise débarquée à Brewershaven, Zélande. Dès lors, la cause de Jacqueline est perdue. Condamné par la cour de Rome, abandonné de ses partisans, elle signe enfin le concordat de Delft, 3 juillet 1428, qui assure son héritage à Philippe le Bon. Ainsi, au commencement du XVe siècle, la maison de Bourgogne a supplanté les deux dynasties rivales de Luxembourg et de Bavière. À ses domaines héréditaires, elle a ajouté successivement la Flandre d'abord, puis, un peu plus tard, le Brabant et le Limbourg, le Hainaut et la Hollande. Maîtresse des principautés les plus puissantes des Pays-Bas, rien ne peut plus désormais s'opposer à ses progrès. En 1421, Philippe le Bon achète le Namurois au comte Jean III. En 1441, Élisabeth Görlitz, attaquée par le duc Guillaume de Saxe, lui cède l'administration du Luxembourg, et 2 ans après, il acquiert, au prix de 120 000 ducats, les droits du prétendant allemand. La Gueldre, enfin, est conquise par Charles le Téméraire, 1473. Quant aux évêchés d'Utrecht et de Cambrai, annexés en fait depuis longtemps au comté de Hainaut et de Hollande, ils en ont partagé le sort. Pour que l'œuvre d'unification soit complète, il ne reste plus à renverser qu'un dernier obstacle et à triompher de l'opiniâtre résistance du pays de Liège. Les ducs de Bourgogne et le pays de Liège. La guerre entre les Liégeois et le duc de Bourgogne n'a rien d'une guerre nationale. Il s'en faut de tout qu'on y puisse voir quelque chose d'analogue à la lutte des Suisses contre Charles le Téméraire. Dans la principauté épiscopale, comme en Flandre au XIVe siècle, l'intervention de l'étranger n'a été que la conséquence de troubles civils. À la fin du Moyen Âge, les villes liégeoises présentent identiquement le même spectacle que les villes flamandes. Au bord de l'Escaut, comme au bord de la Meuse, deux parties irréconciliables sont en présence, les grands et les petits, les lignages et les artisans. D'une part, les bonnes gens qui ont à perdre représentent l'élément conservateur et s'appuient sur le prince. De l'autre, le commun peuple, les pauvres gens de métier, confiant dans la supériorité du nombre aveugle sur les périls d'une politique outrancière et radicale, cherchent à amener, par les mesures les plus violentes et les plus dangereuses, le triomphe de leur cause. Déjà, en 1409, l'évêque Jean de Bavière, expulsé de ses états, avait fait appel au duc de Bourgogne. Jean sans peur n'avait pas hésité à lui rendre le service que deux fois, à Cassel et à Rosenbeck, les rois de France avaient rendu au comte de Flandre. Les Liégeois avaient subi une sanglante défaite dans la plaine d'Othé. Mais les troubles n'avaient pas tardé à éclater de nouveau. Ils avaient été continuels sous le règne de Jean de Heinsberg, et lorsque ce prélat eut résigné son évêché en 1455, en faveur d'un neveu de Philippe le Bon, le jeune Louis de Bourbon, la situation devint plus menaçante que jamais. Excité par Louis XI qui cherche à occuper le duc dans les Pays-Bas, le Parti populaire dépose le nouvel évêque en 1465. Follement confiant dans les promesses du roi de France, il ne craint pas d'envoyer une lettre de défi au prince bourguignon. Ses illusions ne durèrent pas longtemps. Une armée envahit le pays. Les Liégeois sont vaincus à Montenaken et obligés de reconnaître le duc comme Mambourg, protecteur héréditaire. Dinan, pourtant, dont l'industrie du cuivre avait fait alors une des cités les plus riches des bords de la Meuse, fut exclue de cette paix. La haine séculaire que cette ville nourrissait contre sa voisine namuroise, Bouvines, séparée d'elle seulement par la largeur du fleuve, s'était détournée, pendant la guerre, sur le duc de Bourgogne. Le parti extrême, se fiant toujours aux promesses de Louis XI, avait mortellement offensé Philippe sur ses bravades et ses provocations. Le 28 août 1464, Dinan fut pris, brûlé et démoli. Cet exemple toutefois ne servit à rien. À la mort de Philippe le Bon, les Liégeois, encouragés de nouveau par le roi de France, chassent leur évêque et massacrent les partisans de la paix avec le duc. Défaits à Brustem, ils se rendent à Bercy. Charles le Téméraire, après avoir vu 300 des principaux bourgeois se prosterner devant lui, pieds nus et en chemise, entre dans la ville par la brèche. Octobre 1467. Il devait bientôt y reparaître encore. Au moment même où il traitait avec Charles à Péronne, Louis XI fomentait un nouveau soulèvement dans l'évêché. Cette fois, il n'y avait plus de grâce à attendre. La vengeance allait être terrible, et Charles voulut que le roi de France assistât à son exécution. Malgré la saison avancée, il parut à la tête de 40 000 hommes devant la pauvre cité, démantelée et dépourvue d'artillerie. En dehors de l'entreprise héroïque de 600 Franchimontois, qui se firent tuer en tentant de surprendre le duc dans son camp pendant la nuit, il n'y eut pas de résistance. Il n'y eut pas non plus de tentative de rapprochement. Tout le monde sentait que le duc serait implacable, et la présence du roi dans l'armée bourguignonne ne pouvait plus laisser aucun espoir à ce peuple si longtemps abusé. Liège subit le sort de Dinan. Cette grande ville, merveilleusement peuplée, et où il se disoie par jour, rapporte Philippe de Comines, autant de messes comme il faisoit à Rome, fut livrée aux flammes. Une grande partie des habitants qui n'avaient pas eu le temps de se réfugier dans les Ardennes furent noyés dans la Meuse. 1468. L'État bourguignon. La pacification de la principauté de Liège achevait de mettre les Pays-Bas dans la main du duc de Bourgogne. Le grand-duc d'Occident régnait maintenant sans rival sur cet ensemble de comtés, de duchés, de territoires ecclésiastiques qui se serraient les uns contre les autres des Ardennes à la Frise et de la Meuse à la mer. L'ère des guerres féodales est décidément close pour ces contrées. Désormais, jusqu'au jour où, pendant les troubles religieux du XVIe siècle, elles se scinderont en deux parties, que représentent encore aujourd'hui sur la carte de l'Europe les royaumes de Belgique et de Hollande, elles ne cesseront plus de former, sous un même souverain, une fédération puissante et prospère. Seul, le pays de Liège recouvrera son autonomie après la mort de Charles le Téméraire et la conservera jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. L'œuvre des ducs de Bourgogne est la conclusion nécessaire de l'histoire des Pays-Bas depuis le commencement du Moyen Âge. Mais le mariage contracté en 1477 entre l'héritière de Charles le Téméraire et Maximilien d'Autriche introduit dans ces contrées la maison de Habsbourg et retarde pour longtemps leur indépendance. Fin de la section 35.